19h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. Le magazine d'archéologie de France Culture s'attache ce soir à un sujet capital, un de ceux qui nous concernent tous, et cela même s'il plonge au plus profond de notre histoire. L'histoire et la préhistoire, mais aussi l'archéologie, l'anthropologie biologique, la paléogénétique s'avèrent indispensables pour aborder ce thème. Qui étaient les premiers hommes modernes en Europe, ceux-là même qui remplacèrent sur notre sol les fameux Néandertaliens? Ceux qui suivent de près ce dossier ont probablement le sentiment que la recherche s'emballe. Chaque mois, chaque semaine, de nouvelles données apparaissent dans les plus grandes revues scientifiques internationales. Ainsi, l'histoire que nous allons vous conter vient juste de paraître, l'histoire d'une nouvelle migration d'hommes modernes qui n'avait pas encore été reconnue par la génétique, celle d'Homo sapiens, au fondement du paléolithique supérieur, mais dont les ancêtres récents étaient pour partie des Néandertaliens. On en perdrait son latin. Pour comprendre nos origines, la recherche, ses enjeux, seul un professeur au Collège de France pouvait ce soir nous guider sur ce lointain chemin. Jean-Jacques Hublin, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être en direct et dans notre studio de France Culture. Titulaire de la chaire internationale de paléoanthropologie du Collège de France, Jean-Jacques Hublin, vous avez créé le département évolution humaine de l'Institut Max Planck en Allemagne, institut aujourd'hui au cœur même des recherches paléogénomiques. On vous a vu aussi, il y a peu, publier L'homme de Jebel Irhoud, le plus ancien Homo sapiens et vieux de 300 000 ans. Jean-Jacques Hublin, pour parler de l'arrivée de l'homme moderne en Europe, on évoque souvent l'art de la grotte Chauvet, celui de la grotte d'Ohlefels dans le Jura Souabe. Un nom aussi revient alors, les Aurignaciens. Mais il y aurait encore plus anciens ? Oui, alors les Aurignaciens, c'est le vrai paléolithique supérieur, si je peux dire, avec toute une suite de comportements, de techniques, l'art, évidemment, l'art rupestre, l'art mobilier, des statuettes d'animaux, de personnages aussi, et puis des techniques particulières pour la production d'armes et d'outils en pierre et en os. Et là, on a des restes humains associés à cet Aurignacien qui remontent un peu au-delà de 40 000 ans et qui, en tout cas, là où on trouve des restes humains, est fabriqué par des Homo sapiens. On soupçonne depuis un bon moment qu'avant cet Aurignacien, il y a autre chose qui n'est pas produit par des Néandertaliens en Eurasie, qui est produit par des Homo sapiens. On va en reparler dans un moment, ce fameux paléolithique supérieur initial. Le problème, c'est que jusqu'à présent, on avait guère de restes humains associés à ce paléolithique supérieur initial. Et donc, ces découvertes récentes, en fait, elles lèvent le voile sur l'identité de l'artisan de ces industries plus anciennes. Alors, cette période est en Europe un vrai tournant dans notre histoire. Entre 47 000 et 40 000, on voit de fait l'arrivée d'un homme et la disparition d'un autre. Oui, c'est probablement l'événement le plus important de l'évolution humaine du dernier million d'années. Hein. C'est-à-dire qu'on passe d'un monde avec plusieurs espèces d'hominines, au moins 5, peut-être plus, parfois qui cohabitent sur les mêmes continents. Et on va basculer dans un monde qui est le monde de l'espace unique, hein, celui que l'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire Homo sapiens qui colonise toute la planète. Et cette transition, ce remplacement, eh bien, il s'opère à des dates un petit peu différentes suivant les régions, mais quand on considère les données génétiques, disons que tous les hommes vivant aujourd'hui hors d'Afrique ont en gros un ancêtre commun autour de 55 000. On pense que 55 000, peut-être 60 000, c'est la dernière sortie d'Afrique, la bonne, si je peux dire. Et ces hommes, vont dans différentes parties de l'Eurasie connaître des histoires un petit peu différentes. Alors, ce qui est incroyable, c'est qu'il y a encore quelques années, on connaissait deux espèces, Homo sapiens, l'homme moderne, et puis Néandertal. Aujourd'hui, on en a cinq. Oui, c'est assez étonnant parce que, dans le fond, qui aurait imaginé, il y a deux décennies, une telle floraison d'espèces. Alors, on peut discuter pour savoir si ce sont de vraies espèces ou pas. En fait, la notion d'espèce en biologie est très discutée aujourd'hui. C'est une notion qui est un petit peu en crise. Mais enfin, il faut imaginer quand même que, il y a 50, 60 000 ans, on a des créatures aussi différentes que cet homme de Flores, qui est un tout petit bonhomme, grand à peine d'un mètre, avec des pieds de clown, et puis un cerveau gros comme une orange, et puis des hommes de Néandertal, et des hommes comme nous, et d'autres formes encore, comme les Denisoviens en Asie, qu'on a découvert récemment. Actuellement, le site clé pour l'arrivée de l'homme moderne ne se trouve pas en France, mais plus à l'est. Alors, en fait, on se rend compte avec ces découvertes récentes que le modèle qu'on avait en tête, c'est-à-dire une espèce de vague d'Homo sapiens qui arrive de l'est et qui remplace les Néandertaliens, c'est un modèle qui n'est pas valide. Les événements sont beaucoup plus compliqués que ça. Et en fait, ce qu'on a mis au jour dans ces sites d'Europe de l'Est, c'est la trace d'une vague plus ancienne que la vague aurignacienne, mais une vague qui n'est pas allée jusqu'au bout de l'Eurasie, jusqu'à l'extrême ouest. Et d'une certaine façon, je peux dire une vague qui est presque un échec, en fait. C'est-à-dire que ces hommes, ces premiers Homo sapiens en Europe, dans le fond, ils ne viennent pas à bout des Néandertaliens. Et entre l'arrivée de ces Homo sapiens très anciens dans l'Est de l'Europe et puis les derniers Néandertaliens dans l'Ouest, on a aujourd'hui une période de peut-être 6000 ans, ce qui est quand même... évidemment, 6000 ans... Au regard des temps géologiques, c'est très court, mais pour des hommes, c'est très long. Il faut aller donc en Bulgarie, en Tchéquie, pour trouver ces fossiles ? Voilà. Alors, nous avons, ces dernières années, travaillé dans un site qui était connu déjà, qui est le site de Batchokiro, et qui a livré alors ce fameux paléolithique supérieur initial associé à des restes humains, sur lesquels on a pu, d'une part, obtenir des datations très précises. Donc, on sait très très bien... que ces hommes ont vécu en gros entre 46 000 et 43 000 avant le présent. On a de la génétique, on a de l'ADN dans ces restes humains, et puis on a des restes archéologiques très très riches. Et alors on a aussi des fossiles qui étaient connus depuis assez longtemps, en particulier en Tchéquie, un crâne qui vient d'une grotte qui s'appelle Zlatikoun. Et ces fossiles sont réexaminés aujourd'hui parce qu'on a à la fois des moyens de datation plus précis et puis surtout toute cet outillage paléogénomique qui permet de les faire parler. Alors je reviendrai justement sur le crâne fossile de Zlatikoun, le cheval d'or en tchèque. Il aurait fourni le plus ancien génome humain moderne. Alors, le cas de Zlatikoun, c'est vraiment très intéressant. C'est un crâne de femme, on le sait, parce qu'on a son ADN. Ce crâne, il a été découvert dans les années 50, et au moment de sa découverte, on l'a considéré comme un Homo sapiens datant des premiers temps du paléolithique supérieur. Et puis ensuite, il est tombé un peu dans le purgatoire, parce qu'on a essayé de faire des datations directes, et on s'est rendu compte, enfin en tout cas, c'est les résultats de ces datations... était beaucoup trop récent pour qu'il soit aussi ancien que l'aurignacien ou quelque chose comme ça. Alors en fait, on sait aujourd'hui que ces datations récentes, elles sont surtout le résultat de contamination. On n'a pas d'âge précis. Mais ce qu'on sait, c'est que dans le génome de Zlatikoun, il y a des fragments d'ADN néandertalien. Comme chez vous, comme chez moi, comme chez tous nos auditeurs. Seulement, la longueur de ces fragments d'ADN néandertalien nous dit quelque chose sur la période de temps qui sépare l'hybridation et le moment où a vécu cet individu. Pourquoi ? Parce que, au fil des générations, à chaque reproduction, eh bien, ces fragments d'ADN se réduisent de plus en plus, ils se fragmentent, ils se distribuent dans le génome. Et Zlatikoun a des segments d'ADN néandertalien qui sont un peu plus longs que ceux qu'on trouve dans un fossile qu'on a découvert en Sibérie occidentale, dans le site de d'Oustichim, qui lui est très bien daté, autour de 44 500 par là. Et donc, on a de bonnes raisons de penser que Zlatikoun est plus ancien que Oustichim. On n'a pas une date très précise, mais probablement quelques milliers d'années de plus. Alors, dans votre grotte bulgare, vous avez bien sûr récupéré des échantillons humains. Vous me disiez, en racontant, donc, en préparant cette émission, que vous criblez toute la faune. Vous criblez toute la faune, oui, à la recherche d'os humains, c'est ça? Je pense que tous les paléanthropologues, évidemment, rêvent de découvrir des fossiles très spectaculaires. C'est ce qui nous est arrivé à Jebel Iroud, hein, au Maroc. 300 ans. Mais moi, je pense que si on veut vraiment décrypter ces changements de population de façon très fine en Europe, plutôt que d'attendre la découverte d'une sépulture extraordinaire, d'un crâne très bien conservé, je pense qu'il faut aller vers d'autres méthodes. Et ce qu'on utilise de plus en plus dans mon équipe, c'est une technique moléculaire qui se fonde sur l'analyse du collagène des os, et qui permet, pour un coût très faible, de cribler des centaines, des milliers de petits fragments d'os non identifiables qui sortent des gisements archéologiques. Et grâce à cette technique, on peut, de façon assez rapide et peu coûteuse, identifier l'espèce auquel, ou le genre auquel ont appartenu ces fragments d'os, et comme ça, récupérer des fragments osseux qui sont humains, et une fois qu'on les a identifiés comme humains, eh bien on peut collaborer avec des généticiens, des spécialistes du radiocarbone, des spécialistes des isotopes stables, et tirer énormément d'informations de ces fragments. Donc mon espoir, c'est qu'on pourra réaliser le même genre de travail sur de nombreux autres sites et avoir comme ça une carte assez dense de l'histoire des peuplements. C'est ça qui est très important. Ce n'est pas que la génétique, c'est aussi les isotopes, c'est aussi les datations. C'est le croisement de toutes ces données qui rend des résultats, c'est ça ? Ah oui, absolument. Enfin, j'ai gardé une grande capacité d'émerveillement, hein. Moi je suis bluffé de voir ce qu'on arrive à tirer d'un fragment osseux informe, une fois qu'on en a extrait de l'ADN mitochondrial, de l'ADN nucléaire, qu'on a pu déterminer le régime alimentaire, la température qu'il faisait au moment où vivait cet individu, son âge. Hein, à Bachokiro, on a 90 dates radiocarbone cohérentes avec la stratigraphie, avec des précisions de l'ordre de quelques siècles, hein, pour une période au-delà de 45 000. C'est tout à fait exceptionnel. Alors, connaît-on la culture de ces groupes humains qui précèdent donc les cultures que l'on évoque toujours, l'arrivée de l'homme moderne, l'orignacien ou le proto-orignacien? Ce paléolithique supérieur initial, c'est quoi dans sa matérialité? Ce paléolithique supérieur initial, on le connaît depuis un certain temps. D'abord, le terme est assez malencontreux. Parce qu'évidemment, si on est un peu, naïf, on est tenté d'appeler paléolithique supérieur initial n'importe quoi qui se trouve au début du paléolithique supérieur. Bon. C'est pas vraiment l'intention des gens qui ont créé ce concept de paléolithique supérieur initial. En fait, c'est une industrie qu'on a découvert d'abord au Proche-Orient, dans le Negev, par exemple, un site comme Boker Tartit, dans lequel nous avons aussi travaillé, et qui a tout de suite frappé par son caractère mixte du point de vue des techniques, qui semble un peu hybride, quelque chose qui est hérité du paléolithique moyen, ou plutôt du Middle Stone Age africain, mais avec des productions qui évoquent le paléolithique supérieur. Et puis alors, on l'a découvert dans d'autres sites, en Turquie, en Europe, dans les Balkans, en Europe de l'Est, et puis dans une vaste zone qui va depuis l'Europe de l'Est jusqu'à la Mongolie, l'Altaï, la Mongolie. Et on a une nappe comme ça de paléolithique supérieur initial où on trouve à la fois ces industries qui semblent un peu intermédiaires entre le Middle Stone Age et puis le Paléolithique supérieur, mais des objets de parure faits de dents animales percées, de coquillages, des petits objets gravés, des outils en os, pas mal. Très différent de l'industrie néandertalienne. Voilà, ça contraste vraiment avec ce qui précédait en Eurasie. 5 spécimens humains ont été retrouvés dans la grotte de Bachokiro, donc en Bulgarie, lors de fouilles récentes. Leurs génomes mitochondriaux et nucléaires sont de type humain moderne, ce qui suggère donc qu'ils sont parmi les plus anciens humains modernes du paléolithique supérieur initial retrouvés en Europe. Oui, alors c'est vrai pour Bachokiro, c'est vrai pour Zlatikoun, Oustichim dont je parlais tout à l'heure. C'est vrai aussi d'un fossile qui a été découvert en Roumanie qui s'appelle Oase Cupestera. Tous ces fossiles, en fait, quand on regarde leur génome, on voit qu'ils se trouvent très loin, si je peux dire, dans l'arbre phylogénétique des Homo sapiens eurasiens. Et en particulier, ils remontent avant la grande division entre, disons, les populations asiatiques et les populations de l'ouest de l'Eurasie. Et un des enjeux de nos études, c'est de voir si on peut les rattacher à ces populations récentes, s'il y a des continuités ou au contraire si ce sont une espèce de branches mortes de cet arbre. Est-ce qu'il représente une migration précoce de l'homme moderne ? Et d'ailleurs, d'où viendrait-il ? Du Proche-Orient ? Oui, enfin, en venant d'Afrique et pour entrer en Eurasie, il n'y a pas 36 possibilités. On a des traces archéologiques de ce paléolithique supérieur initial, je le disais, en Israël, au Liban, à la frontière entre Syrie et Turquie. Donc c'est là que ça se passe. Ça commence il y a au moins 50 000 ans. Et puis, à partir de 47 000, 46 000, ces gens-là vont se répandre dans les moyennes latitudes et vont pénétrer dans le territoire des Néandertaliens et des Denisoviens. Donc c'est vraiment une vague pionnière, si je peux dire. C'est ce qu'on appelle le second Out of Africa ? Ah, des Out of Africa, on pense qu'il y en a eu plein. Oui. Mais c'est le bon, si je peux dire. C'est-à-dire que, comme je le disais au début de notre émission, les données génétiques suggèrent quand même que toutes les populations actuelles hors d'Afrique, leur ancêtre commun remonte à quelque chose comme 55 000. Donc voilà, la bonne sortie d'Afrique, c'est celle-là. Jean-Jacques Hublin, décrivons vos résultats. Commençons par la petite histoire. Deux échantillons de la grotte, donc de Bachokiro, ont des séquences de génome mitochondrial identiques et sont des mâles. Que peut-on en conclure ? Ah non, mais on a des fragments, en particulier une dent et puis un fragment osseux. Et puis depuis, on a trouvé d'autres vestiges dans la grotte qui montrent qu'on a plusieurs fragments d'un individu, très probablement, répartis dans un niveau. Et puis en plus de ça, eh bien, il y a des vestiges d'autres individus du même groupe, ou plus ou moins du même groupe à quelques siècles près. Hein. Deux individus auraient des haplogroupes différents, mais aussi rares chez les humains actuels. Qu'est-ce que qu'un haplogroupe et qu'est-ce que cela veut dire ? Alors, on parle d'haplogroupe pour l'ADN mitochondrial. Alors, l'ADN mitochondrial, c'est un ADN très simple qui n'est transmis que par la mère à ses enfants. Il a l'avantage d'être abondant dans les fossiles et puis facile à analyser. Et donc, on a défini des lignées d'ADN mitochondrial qu'on appelle des haplogroupes. On leur a donné des lettres, hein, M, N, L, etc. Donc, on a à Bachokiro plusieurs haplogroupes qui montrent qu'on est vraiment à la racine de la divergence de ces haplogroupes. C'est vraiment le juste après la sortie, la bonne dont je parlais tout à l'heure. Et alors, ce qui est très intéressant, et c'est confirmé par l'ADN nucléaire, c'est que bien il y a au moins un de ces haplogroupes qui aujourd'hui existe en Asie, mais qui n'existe plus du tout en Europe. Et l'ADN nucléaire a confirmé cela, c'est-à-dire que ces hommes, en tout cas des hommes comme eux, pas ceux-là, mais d'autres comme eux qui fabriquaient du paléolithique supérieur initial plus à l'est. Hein, j'ai parlé tout à l'heure de la Mongolie, de l'Altaï, en Asie. ces gens-là ont laissé derrière eux une descendance. En Europe, la situation est complètement différente parce que quand on regarde leur génome, on voit que non seulement il n'est pas possible de le relier à celui des Européens actuels, mais même il est différent de celui des fameux Aurignaciens. Donc on voit déjà là que ce peuplement, c'est un peuplement assez compliqué avec, c'est-à-dire une première vague pionnière dont on peut dire que d'une certaine façon, elle a raté. Elle a raté son coup. Et puis une autre qui est la bonne, qui est celle qui va vraiment remplacer les Néandertaliens à partir de 42 000, 40 000, et qui peut-être a aussi absorbé, si je peux dire, les survivants de la première vague. Par ailleurs, vous avez observé la similarité génétique entre les individus de la grotte, de Bocho-Quiro, puis avec d'autres humains modernes, anciens, c'est bien ça ? Alors, j'ai cité des noms de plusieurs sites, hein, qui en gros sont tous à peu près dans cette tranche de temps. Donc on a parlé de Zlatikoun, on a parlé d'Oustichim, Sibérie, Bachokiro, il y a ce site roumain d'Oazé. Ces gens-là, ce qui est vraiment intéressant, c'est que on sait qu'ils ont été en contact avec des Néandertaliens. Alors évidemment, leurs ancêtres ont été en contact avec des Néandertaliens au moment de la sortie d'Afrique. Et donc, ils portent tous cette signature de ce premier contact avec les Néandertaliens plusieurs millénaires avant le moment où ils sont arrivés dans les moyennes latitudes. Ensuite, ce qui est remarquable, c'est que quand on regarde la présence de fragments plus ou moins longs d'ADN néandertalien dans leur génome, on voit que Tous ces groupes du paléolithique supérieur initial, eh bien, suivant les régions, suivant les cas, peut-être sont même des histoires, j'allais dire, individuelles, ont connu des destinées très très différentes. C'est-à-dire qu'on a des groupes comme ceux de Bachokiro qui ont dans leurs ancêtres 5 à 7 générations avant le moment où ils ont vécu, au moins un ancêtre néandertalien. Et alors, pas très loin, en Tchéquie, Zlatikoun. Zlatikoun, et ben là, c'est une femme qui appartient à un groupe qui apparemment, en tout cas en Europe, n'a eu aucun contact avec les Néandertaliens, et l'ADN néandertalien qu'elle porte, c'est celui du premier contact, c'est celui hérité des ancêtres venus du Proche-Orient. Donc si je comprends bien, il restait bien sûr à savoir si l'homme moderne contemporain des Néandertaliens s'était accouplé s'est accouplé, on peut le dire, deux fois. Alors, fois peut-être au Proche-Orient, oui, vers 60 000, et éventuellement une seconde fois en Europe, c'est ça ? Alors dans le cas de Bachokiro, c'est exactement ce qu'on observe, mais encore une fois, c'est pas un scénario qui est universel, puisqu'on a des groupes qui sont arrivés jusqu'en Europe et qui, eux, apparemment, n'ont pas échangé de gènes avec les Néandertaliens, en tout cas en Europe. Alors maintenant, encore une fois, ce qui est remarquable, c'est que quand on regarde le devenir de ces groupes, eh bien, dans le fond, ils n'ont pas passé je pense aux hommes de Bachokiro, cette portion d'ADN néandertalien acquise en Europe. Eh bien, ils n'ont pas passé à une descendance qui soit détectable aujourd'hui, en Europe en tout cas. Aujourd'hui, nous, on a quoi ? 1,9 de Néandertaliens ? Un peu plus, alors, un peu plus de 2% en moyenne. Disons 2%. Combien ont-ils d'ADN néandertalien ? Visiblement, c'est très variable. C'est assez étonnant. Oui, alors, là encore, on a des individus qui ont plus ou moins d'ADN néandertalien, et ça dépend un petit peu de l'histoire de leur groupe. Donc Zlatikoun, même Bachokiro, c'est pas beaucoup, hein, c'est 3%, 3,5%. Alors on a Oazé, Coupestera, là c'est beaucoup plus, c'est entre 6 et 7%. Et encore une fois, c'est lié à ce qui s'est passé dans leur ascendance proche. Alors, ce qui est quand même assez frappant, c'est que dans le fond, 3%, 3,5%, c'est pas tant que ça finalement pour des gens qui ont connu des Néandertaliens un siècle et demi avant, hein, si je peux dire. Et quand on regarde de près leur génome, ce qu'on voit en fait, c'est que déjà, Il y a ce que les généticiens appellent des déserts d'ADN néandertalien dans leur génome, c'est-à-dire des endroits où on ne trouve jamais d'ADN néandertalien dans le génome des hommes actuels. Donc il y a des parties de notre génome où l'ADN néandertalien a été nettoyé, éliminé par la sélection naturelle. Voilà, il y a des endroits du génome où, apparemment, si on avait de l'ADN néandertalien, les chances de succès reproductif en particulier étaient assez réduites. Je reprends ce que vous dites. Les premiers humains modernes du Paléolithique supérieur en Europe avaient des ancêtres récents de Néandertal, c'est bien ça ? Ouais. Toutefois, la sélection naturelle aurait déjà fortement agi contre cet apport néandertalien ? Une sorte de loterie ? Bah, si on prend les 2% d'ADN néandertalien de tous nos auditeurs, qui ne sont pas les mêmes 2%, évidemment, en théorie, on devrait réussir à reconstituer 100% de l'ADN néandertalien. En réalité, c'est pas ce qui s'observe. On peut en reconstituer à peu près 40%. Et donc, il en manque 60%, nettoyé, si je peux dire, par la sélection naturelle. Alors, ce que Bacciochiro nous a appris, et ça, c'est vraiment une surprise, c'est que cette sélection... Ça n'est pas un phénomène lent et graduel qui s'est produit au cours de millénaires ou de dizaines de millénaires. C'est quelque chose qui a joué dans les premières générations après l'hybridation. C'est-à-dire que dans les premières générations après l'hybridation, il y a des individus qui soit même n'ont pas survécu, je pense en particulier des fœtus qui ont été perdus par des mères, ou qui se sont développés mais qui avaient une fécondité réduite, voire qui étaient stériles. Et donc, voilà, si dans la loterie génétique, on tirait le mauvais numéro néandertalien, eh bien, on avait peu de chances d'avoir une descendance. Et ça, c'est très nouveau. Oui, c'est nouveau parce que, encore une fois, on n'imaginait pas que cette sélection naturelle avait été aussi brutale. Et finalement, ce que nous apprennent toutes ces découvertes, c'est que le peuplement de l'Europe par les Homo sapiens, c'est un processus qui est beaucoup plus compliqué que ce qu'on imagine, ce qu'on imaginait. Ça a duré très longtemps. Et puis, on a dans le fond l'image de groupes, de petits groupes dispersés qui arrivent, parfois qui n'arrivent pas à faire souche. Et tout ça prend très longtemps avant d'avoir une installation vraiment de l'espèce dans notre continent. Jean-Jacques Hublin, merci beaucoup. Carbone 14 a été réalisé par François Richer, à la technique Élise E, et bien sûr avec la collaboration de Sandrine Chaperon. La semaine prochaine, le magazine d'archéologie de France Culture regardera les Gaulois à l'œil nu avec Dominique Garcia.